Une émission à propos de forêt non féminin. Une édition, un site internet, un labyrinthe d'interprétation. Un livre composé à partir de définitions du nom féminin forêt, glanées dans des dictionnaires de différentes époques, comme pour s'appliquer à comprendre ce qu'un mot peut vouloir nous dire. Un protocole simple pour cartographier un terme, explorer un lieu du langage et de l'imaginaire, et permettre, par quelques rencontres inattendues, heureuses ou inquiétantes, de se perdre au détour de ses sens possibles. A much broader yet detailed perspective. A crutch. A break, a glass, a face. A work of literature. A literary work. A hole! A point of departure. Unlike a work of literature, translation does not find itself in the centre of the language forest, but on the outside, facing the wooded ridge. It calls into it without entering, aiming at that single spot where the echo is able to give, in its own language, the reverberation of the work in the alien one. Not only does the aim of translation differ from that of a literary work, it intends language as a whole, taking an individual work in an alien language as a point of departure, but it is a different effort altogether. The intention of the poet is spontaneous, primary, graphic. That of the translator is derivative, ultimate, ideational. Forêt non féminin, donc. Forêt non féminin, .hotglue.me. Ok. Abracadabra, abracadabre, abracadab, abracada, abracad, abraca, abrac, abra, abra, ab, a. Ensuite, si j'irais dans une forêt, je désire une carte. Une carte. Ça faisait quelque temps que je cherchais la carte de la forêt de Fredval, qui est liée à l'édition de Forêt non féminin. Et je me rappelais l'avoir mise quelque part dans un livre, et je savais plus quel livre, et puis tout a été déplacé dans un déménagement, et tous mes livres se sont retrouvés en pile dans une pièce. J'ai commencé à faire toutes les piles pour trouver la carte, et je l'ai trouvé dans un livre qui était sur une pile. C'est Le conflit des interprétations de Paul Ricoeur, et c'est d'herméneutique. Il y a une marque au début du livre, une marque au crayon à papier dans la marge qui a été tracée par son ancien propriétaire. Et ça commence à... La phénoménologie de l'esprit nous propose un mouvement selon lequel chaque figure trouve son sens, non dans celle qui précède, mais dans celle qui suit. La conscience est alors tirée hors de soi, et en avant de soi vers un sens en marche dont chaque étape est abolie et retenue dans la suivante. Ainsi, une téléologie du sujet s'oppose à une archéologie du sujet. Mais l'important pour notre propos est que cette téléologie, au même titre que l'archéologie freudienne, ne se constitue que dans un mouvement de l'interprétation qui comprend une figure par une autre figure. L'esprit ne se réalise que dans ce passage d'une figure à l'autre. Il est la dialectique même des figures par quoi le sujet est tiré hors de son enfance, arraché à son archéologie. C'est pourquoi la philosophie reste une herméneutique, c'est-à-dire une lecture du sens caché dans le texte du sens apparent. C'est la tâche de cette herméneutique de montrer que l'existence ne vient à la parole, au sens et à la réflexion, qu'en procédant à une exégèse continuelle de toutes les significations qui viennent au jour dans le monde de la culture. L'existence ne devient un soi, humain et adulte, qu'en s'appropriant ce sens qui réside d'abord dehors, dans des œuvres des institutions, des monuments de culture, où la vie de l'esprit est objectivée. Voilà. A much broader, 1. Vaste terrain. Yet detailed, 2. Forêt de souffle, perspective, 3. Labyrinthe, 4. Charpente, 5. Un lieu peu sûr, 6. L'imprimerie. Si j'irais dans une forêt, je désire une carte. J'arrive à une fourche que je vois pas du tout sur la carte. Alors, je pars de là, je suis là. 1. C'est un lieu vaste et rempli de grands bois et de bois épais. Vaste terrain couvert de nombreux arbres proches. Vaste étendue de terrain où poussent des arbres qui garnissent la surface. Grande étendue, de pays couverts de bois, de terres couvertes de bois, de hautes fustailles. Ensemble, des grands arbres qui peuplent cette étendue, qui composent une forêt. Si je remonte, qu'est-ce que ça me fait faire? Je peux remonter un peu sur ce chemin-là. Et après... Après, il va falloir que je coupe à travers la forêt. Après, je remonte par-dessus les ragots. Ouais, mais ça va pas... Ouais. Je me suis déjà perdue, en fait. Je suis allée trop au nord. Bon. Je vais redescendre. A walker! A slight ridge. A lighter's overhead view. A straight line for hundreds of meters. A sight of satisfaction. A stringed instrument. A virtue of its substance. A mine. Au mont, personne en vue sinon une voix lointaine. Soleil sur une forêt profonde. Là, les raies de nouveau atteignent jusqu'au parterre de mousse verte. Onglet 34. Forêt. Non. Féminin. Point haute glue. Point ME. Again in a dark wood, in this dark wood, a darksome wood, within a dark wood, a gloomy wood, a dark wood and facing neighbor. A darkling wood, alone in a dark wood, a dark forest, in a forest dark and deep, astray in a dark wood. This dark wood. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Dark wood, in a dark wood, within dark woods, a forest dark, shadowy wood. A night dark wood, within a dark wood, gloomy wood, within a darksome wood, a wood obscure, within a forest, dark, in a dark wood, in a great forest, within a forest, a dark forest, some dark woods, a dark wood, a dark wood, gloom dark wood, a darksome wood, a sunless wood, a wood, a dusky wood. was in a wood so dreary. Allô? Oui, ça va et toi? Je me rappelais que t'étais dans le train en ce moment. Ouais. Tu me dis aussi que je vais mettre du tourisme à droite. Et du coup, je vais demander comment t'allais. Ben, je vais bien. Je suis dans la forêt. J'ai une carte de la forêt de Fredval. Ouais. C'est vers, je sais pas, Blois, un truc comme ça. Okay. Et c'est une vieille carte, et retracée dessus, il y a un chemin de la forêt de Signes. Une forêt qui est pour le coup vers Toulon, je pense. Et j'essaye de suivre ce chemin dans la forêt de Villequartier. Et là, je suis qu'à l'étape 2. Je pars du lieu dit Les Ragots, d'après la carte. Et normalement, là, je suis passée par le vaste terrain, qui est la première étape. Là, je vais vers la forêt de Souffle et je suis pas loin, mais je me suis quand même paumée. Je me prends des ronces tout le temps. Je suis en dessous d'un arbre qui grince, enfin qui fait toc toc toc toc toc, parce qu'il est... Enfin, je sais pas. Oui. Et juste avant, il y en avait un qui grinçait vraiment fort. Allô? A scrap of literary Chinese. A thing. A nomadic life. A state of perpetual transformation. A poem. A labyrinth. A piece of English. A small poem. A wealthy Buddhist painter. A massive horizontal landscape. A word. De. Forêt de souffle. Quantité considérable. D'objets dressés, grande quantité de choses qui s'élèvent en hauteur, amas de choses longues et menues, grande quantité d'objets longues et serrés, région d'objets, masse en grand nombre comme des arbres dans une forêt. A voice. Ils n'ont pas de voix. Ils sont à peu de choses près paralytiques. Ils ne peuvent attirer l'attention que par leur pose. Où qu'ils naissent, si cachés qu'ils soient, ils ne s'occupent qu'à accomplir leur expression. Ils se préparent, ils s'ornent, ils attendent qu'on vienne les lire. Il semble n'y avoir personne sur la montagne vide, une colline vide et personne en vue, et pourtant je pense que j'entends une voix. Mais j'entends l'écho de voix, ou la lumière du soleil entrant dans un bosquet. Le soleil oblique, le soir, pénètre les profonds bois, brille jusqu'à moi depuis la mousse verte, et brille reflété sur les lichens bleus. Thank you. A purely phonetic element. The J sound. The CH is. The Z is J. A heavily aspirated. 3. Labyrinthe. Grande quantité de choses abstraites, formant un ensemble complexe et confus, complexe ou confus, inextricable, espèce, espace, système, inextricable, inextricable, inextricable, inextricable. Inextricable. Grande quantité de choses abstraites formant un ensemble complexe et confus, complexe ou confus, inextricable, espace, système, inextricable. Au plus profond de la montagne sauvage, où personne jamais ne vient, que très rarement, quelque chose comme le son d'une voix lointaine, les rayons rasants du soleil se glissent à travers la forêt sombre et étincellent de nouveau sur la mousse ombrageuse. À travers le bois profond, la lumière du soleil oblique projette des formes hétéroclites sur les mousses vert jade. Pas de traces d'homme dans cette montagne solitaire, pourtant des voix ténues flottent dans l'air. Sur les montagnes vides, personne ne peut être vu, mais des voix humaines sont entendues résonner. La lumière du soleil réfléchi perce la forêt profonde et tombe de nouveau sur le sol moussu. On ne voit pas de gens sur cette montagne. On entend seulement, au loin, des voix. À travers les ramures perce la lumière. Déployée dans l'herbe, elle brille verte. Colline vide, personne en vue, seulement le son de quelqu'un qui parle. La lumière du soleil tardive entre dans le bois profond, brillant de nouveau sur la mousse verte. Montagne vide, personne n'est vu. Pourtant, entends, son humain et écho. La lumière du soleil retourne entre les bois sombres, brillant de nouveau sur la mousse verte au-dessus. J'arrive dans le labyrinthe. J'ai plus aucun repère visuel. La nuit tombe. Ça monte et ça descend. Tous les arbres se ressemblent. Des arbres fins. Des hêtres. Du bois coupé partout, des branches. Des pierres couvertes de mousse. Encore quelques éclats de lumière depuis la canopée. Et j'entends la hulotte au loin. Les dernières lumières bougent, puis s'éteignent. Je vois encore la carte. Sur la mousse. Je suis presque arrivée à la charpente. Aucun signe de K. Le chemin correspond à une ligne qui est de moins en moins droite. Et c'est sûrement lié à la topographie qui est de plus en plus accidentée. Il faut que je prenne un axe sud-ouest, mais moins prononcé. Then define each of these in a drawing, which one could go back and rub out if one didn't want what one had done. This would both simplify the thing, it would make it much quicker, and I think open up completely new sounds. An illusion. Les tourneaux sans sonnet est un oiseau très vocal toute l'année. Ceci est à mettre en relation avec son tempérament très grégaire, les individus d'un groupe gardant ainsi un contact permanent. Le répertoire est très vaste et presque intraduisible. Les cris différents sont nombreux, le plus classique étant un chri prolongé. On note aussi un n d'inquiétude près du nid ou des teng puissants en vue d'un prédateur comme l'épervier. Les jeunes au nid quémandent avec des sri sri sri incessants. Le chant est une longue phrase faite de sifflements divers alternant avec des syllabes plus mélodieuses. Il inclut des imitations de très nombreuses espèces, passereaux, non-passereaux. Une imitation classique est par exemple celle du chant du loriot, qui peut tromper le novice. Mais il imite aussi volontiers la buse, la foulque, etc. Je suis en train de perdre la connexion. Forêt dense ou dense. Ronce dense. Fougère dense. Ou dense. Branche dense. La nuit tombe. Chemin peu pratiqué. Peu ou pas. Quatre. Charpente. Grande quantité de pièces de bois qui forment un comble et qu'elles fassent édifice ensemble des nombreuses pièces de charpente formant le comble d'un édifice de dimension considérable, charpente du comble d'une église. Ces grandes charpentes des églises ou autres grands édifices formés d'une grande quantité de pieds de bois. A hard sea. A transliteration. A level forest of diacritical marks. A monosyllable. A western language. An infinite supply. An artificial limb. A trope. A single character. A rose. A rose! It's all roses! A place name. A map of Illinois. A Buddha preached. A few possible readings. An age of masters. An eye of legs. A notebook of literal Chinese. A lovely subtlety. A note. An absolute humility towards the text. A grove. An angle at. An implicit narrator. A haze of opium. 100 thimbles of wine. A world where no statement can be made. A pregnant, sensitive, work-weary ellipsis. A voice. An affinity. A tradition. A poetic image. An image that makes little sense on the forest floor. A decorator's delight. A classic example! A translator's unspoken content. L'orgue à bouche est un instrument à hanches libres composé d'un nombre variable de tuyaux. Ceux-ci sont insérés dans une chambre à travers laquelle souffle le musicien. Chaque tuyau émet une seule note qui sonne lorsque le trou de doigté est fermé. Contrairement à l'ange simple qui bat contre une paroi fixe, la clarinette, ou l'ange double où deux lamelles battent l'une contre l'autre, le hautbois, l'anche libre, qui ne tient à son support que par un seul côté, vibre librement dans un vide appelé lumière. There will be time, time. There will be time. There will be time, time, time. Will there be, will time be time. is a sense, intuitively compelling, in which language occurs in time. Every speech act takes time. It can be measured temporally. It shares with time the sensation of the irreversible, or that which streams away from us, backward, in the moment in which it is realized. As I think my thought, time passes. It passes again as I articulate it. The spoken word cannot be called back. Because language is expressive action in time, there can be no unsaying, only denial or contradiction, which are themselves forward motions. Charpente. Un bois plus dense, plus sombre, des troncs plus gros. Signe de coupe. Souche. Des dizaines de troncs rangés sur la route. On pourrait dire que l'artiste original est comme plongé au cœur même de ce massif forestier que constitue pour lui sa propre langue. C'est sans y pénétrer qu'il y fait retentir l'appel de l'œuvre originale aux seuls endroits où l'écho d'une langue étrangère peut se répercuter dans la sienne. Non seulement sa visée porte sur un autre objet que celle de l'écrivain, c'est-à-dire sur une langue tout entière à partir d'une seule œuvre, écrite elle-même dans un autre langage, mais cette visée est d'une autre nature. Celle du créateur était naïve, primitive, nourrie d'intuition. La sienne est dérivée, dernière, nourrie d'idées. La traduction ne se voit pas comme l'œuvre plongée, pour ainsi dire, à l'intérieur du massif forestier de la langue. Elle se tient hors de lui, face à lui, et sans y pénétrer, elle y appelle l'original aux seuls endroits où, dans sa propre langue, elle peut à chaque fois faire sonner l'écho d'une œuvre écrite en langue étrangère. Non seulement son intention a un autre objet que celle de l'œuvre, mais elle est aussi une autre intention. Celle de l'écrivain est naïve, première, intuitive. Celle du traducteur, dérivée, dernière, idéale. Arrivé près de un lieu peu sûr. Le chemin est de plus en plus tortueux. Il y a de plus en plus de reliefs. Et j'entends des cris derrière moi. A spiritual exercise. A bad translation. An illusion. General, and not terribly bright remark. A steal from Elliot. A ray of sunlight. An illusion. A great while. A far off voice. A rather classy four line. A 20th century American. A prolific and particularly fine translator. A telegraphic minimalism. A character. An albatross. A critic. A translator. A narrator. A group. A family outing. A jolt to the system. 5. Un lieu peu sûr. être dans une forêt, vous étiez là dans une forêt. Vous étiez entouré de malhonnêtes gens, au milieu entouré de fripons. Vous n'étiez entouré que de fripons. C'est une forêt, c'est un lieu peu sûr. Un lieu et un endroit rempli de gens qui ne valent pas grande chose. Une société où l'on est impudemment volé, dépouillé, un coupe-gorge, lieu où on fait des violences, des exactions. Vous êtes entouré de malhonnêtes gens. Impudence. Effronterie sans retenue ou cynique qui choque, indigne, nière avec impudence. Action, parole, impudence. Impudente. Effronterie. Nom féminin, caractère, attitude d'une personne effrontée. Effrontée. Qui est d'une grande insolence, qui n'a honte de rien. Adjectif et nom. Il est nécessaire qu'il y ait beaucoup de livres, beaucoup de beaux sapins, pour qu'il veille du coin de l'œil le livre qui importe réellement, la foutue grotte de notre malheur, la fleur magique de l'hiver. Pardonnez ces métaphores, parfois je m'emporte et je deviens romantique. Mais écoutez. La mémoire individuelle et la perception restent sollicitées à l'intérieur du livre, comme elles l'étaient à l'intérieur de la forêt ou sur la surface de la steppe, suivant passé et sente, s'orientant à la bizarrerie d'un arbre, à la pente d'un sol, de proche en proche, au rat. 6. L'imprimerie. On nomme ainsi dans l'imprimerie une tablette divisée en différentes cellules, une case dans laquelle on serre les bois qui servent à garnir les formes pour l'impression telle que biseau de tétière, bois de fond et autres. A spiritual experience. A confirmation of my suspicion. A very precise meaning. A sense inverse. A revelation. An experience of the void. A specific time of day. A moment! A patch of moss. An American poem! An exact moment. A title. A general statement. A half. An act of translation. An enormous poem. A walk. A spiritual experience. A complement of place. A literal translation. A finished translation. A trope. A luminous original study. A translation. An energetic language. A man on the deserted bill. volume set. An alternate meaning. A foreign word. A rock or bug. A leap from dictionary to dictionary. A reimagining of the poem. A different, not merely another, reading. A state of restless change. An individual work. An alien language. A lesser extent. A parallel exploration. A corpus. A small erotic poem. A line. A ballad. A rich assonance. A small similarity. A pound. A verbal unity. A useless question. A great poet. A great extent. A success. A serious omission. A four-syllable line. An aircraft. A true counterpoint. A line of nine syllables. A truncated and a case syllable. A great deal. A forest. A manner of speaking. A furious letter. A series of essays. A Japanese informant. A new poetry in English. An extreme. An empty glass. If you know some. A metaphor. A pity. A ductile talent. Thank you.

Stanu. Tellus. Olmia. Ma. Hax. Forêt non féminin, une intention de Jérôme de Vienne, édité par Istimiron Stella. Un site internet, forêtnonféminin.hotglue.me, nourri par Diana Dutta et Jérôme de Vienne. Une pièce sonore de Luca Piovesan. Mécane, pensée avec les mains, de Pali Meursault. Des extraits traduits de La tâche du traducteur, de Walter Benjamin. Un extrait de After Babel, de George Steiner, Birds of Parallax de Daphne Oram, Igevar de Eke Odell, Duplicator Print de Bob Cobbing, un extrait de Faune et Flore de Francis Ponge et de Pierre et le Loup de Prokofiev, une inspiration de 36 Translation of Dante de Caroline Bergwall, une interprétation de 19 manières de regarder Wang Wei de Elliot Weinberger et de Intention 3, Forêt non féminin, de Jérôme de Vienne.